passe tous les ans, quasiment, dans les mêmes parages. Et tous les ans, je trouve du changement de dessus mon passage. À tous les coups, c'est pas le même chien qui gueule à mes chausses. Et puis voyons, si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce. Il y avait dans le temps un beau grand chemin, chemine aux chemines. Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que je cheminerai demain? En Beauce, vous les connaissez pas? Pour que rien ne se perde, ils mangeraient on ne sait quoi, ces gars-là. Ils mangeraient de la merde. Le chemin, c'était à leur juger de la bonne terre perdue. À chaque labour, ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Il y avait dans le temps un beau grand chemin, chemine aux chemines. Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que je cheminerai demain? Ils ont grossi leurs arpentes goulues d'un peu de glèbe toute neuve. Mais le pauvre chemin, il en est devenu mince, comme une couleuvre. Et moi, qu'avais glissé sous les cieux pour poser guibole, le chemin, tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on vole. Il y avait dans le temps un beau grand chemin, chemine aux chemines. Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que je cheminerai demain? Ils ont semé du blé sur le terrain qui retire à ma route. Mais si je leur en demande un bout de pain, ils m'envoient me faire foutre. Et c'est peut-être bien pour ça que je vois, à mesure que ce blé monte, les épis baissaient le nez devant moi, comme s'ils avaient honte. Il y avait dans le temps un beau grand chemin, chemine aux chemines. Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que je cheminerai demain? Oh mon beau petit chemin gris et blanc, sur le dos de qui je passe. Je veux plus qu'on te serre comme ça les flancs, parce que moi, je veux de l'espace. Où ce que sont mes allumettes? Ah, sont dans le fond de ma pantière. Je vais faire reculer vos moissons, vous les mangez de terre. Y avait dans le temps un beau grand chemin, chemine aux chemines. Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que je chemine?